dis-moi combien tu m'aimes. Et dis-moi que nous sommes seuls. Dis-moi que tu as tué la haine, contrairement à ce que les hommes veulent. Regarde-moi et laisse-moi pleurer sur ton épaule ou sur mes bras. Et surtout, dis-toi bien que je n'ai jamais regretté de me faire du mal pour toi. Écoute mes yeux s'ouvrir après tant d'années de perdition, de solides et cruels désirs, de vitres brisées par l'imagination. Touche du bout des lèvres le plaisir peint sur les murs, celui dont je rêve quand tu me le murmures. Pour toi, je construirai un domaine où l'amour sera loi, et même si cet endroit existe déjà, je le rebâtirai pour toi. Le monde n'a pas changé, il ne nous attend pas. Et si le ciel se mettait soudainement à briller, je saurais que les anges qui ne nous regardent pas seraient déjà partis sans nous avoir protégés. Mais ce ne sont pas les psaumes qui nous ont réunis, c'est le ciel qui vit dans ton regard et entre tes mains. Le ciel que je contemple à cœur ouvert vers l'infini, le ciel que je bénis et pour qui je voudrais tellement aimer demain. Laisse-moi te dire encore combien je t'aime et je vais t'aimer. Regarde-moi et laisse-moi te sourire. J'entends tes yeux qui sont en train de s'ouvrir. Et je touche du bout des lèvres ce rêve animé. Il y a longtemps, j'ai écrit notre histoire. Je l'ai déposée à mois de février sur un vieux trottoir. Mais la pluie est tombée, elle l'a emportée. On l'a oubliée, je crois même l'avoir effacée. Et on va la réécrire dans du ciment encore frais. Et même quand les années elles-mêmes ne seront plus comptées, les gens qui passeront dans cette vieille ville, ces gens-là sauront ce que nous voulions vivre.